Bonjour Guillaume Lejeune. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Sommes-nous sûrs que le soleil se lèvera demain ? Quelle est la force de l'habitude dans nos vies, et en particulier dans l'acquisition de nos pratiques et le développement de nos talents ? Et croire en quelque chose est s'entretenir un rapport particulier à nos idées ? Le programme est chargé ce matin. Alors je vous propose qu'on commence avec une petite partie de billard, qu'en dites-vous ? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Alors c'est parti. Voici sur cette table une boule de billard. Et voici qu'une autre se meut en direction de la première avec rapidité. Elle se heurte. Et la boule qui précédemment était au repos acquiert à présent du mouvement. Cet exemple de la relation de cause à effet est aussi parfait qu'aucun que nous connaissions, que ce soit par sensation ou par réflexion. Examinons-le donc. Alors l'avantage des penseurs qui tiennent l'expérience comme composante indispensable de la connaissance, c'est qu'ils ont souvent le sens des exemples concrets. Et c'est le cas ici, Guillaume Lejeune. En quoi est-ce que l'exemple de la boule de billard qui en percute une autre est utile pour comprendre ce que Hume a à nous dire sur la causalité ? La causalité, donc chez Hume, comme vous le rappelez, part vraiment de l'observation. C'est un philosophe empirique. Et donc, qu'est-ce qu'on voit si on essaye de pas poser d'hypothèses qui seraient des hypothèses abstraites, qui ne reposeraient pas sur l'expérience? On voit que de quelque chose suit un effet. Donc on voit une boule de billard qui cogne une autre boule de billard, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après, la boule de billard prend une autre direction, cogne une autre boule de billard ou le bord du billard, et elle change encore de direction. Et donc on observe en fait plusieurs fois une conjonction entre quelque chose et un effet qui en suit. Et alors de là, on va se dire que cette conjonction qui est répétée plusieurs fois, eh bien, n'est pas seulement une conjonction, mais qu'il y a derrière une connexion nécessaire entre l'objet qui cogne le second objet et le fait que cet objet prend une nouvelle direction. Et donc on va parler de causalité, mais en fait la causalité n'est que le fait d'observer deux choses qui se suivent de façon régulière. Alors vous êtes docteur en philosophie, vous êtes l'auteur d'un livre sur Hume publié aux éditions Ellipse, et vous êtes actuellement aussi animateur philo au Centre d'action laïque de Charleroi. Est-ce que au cours de vos ateliers de philosophie, vous parlez de David Hume ? Oui, ça arrive régulièrement, parce que j'ai en fait un public assez varié, et on parle souvent de thèmes de société, et souvent les gens sont pris dans certaines habitudes de pensée, et comme ils ont toujours pensé de la même façon, ils pensent que ce qu'ils pensent est légitime. Et comme d'autres à côté d'eux pensent aussi de la même façon, ils pensent qu'il y a une certaine nécessité derrière. Et alors, je prends souvent l'exemple de Hume en disant, c'est pas parce qu'on a observé plusieurs fois la même chose, vous parliez du soleil qui se lève, c'est pas parce qu'on a observé plusieurs fois que le soleil se levait chaque matin qu'il va nécessairement se lever les prochains matins. Comme on l'a observé souvent, on a tendance à le croire. Maintenant, c'est intérêt de regarder ces croyances fondées sur les habitudes avec un regard critique. On va voir comment la question de la causalité entraîne celle de la croyance, qui entraîne celle de l'habitude. C'est encore une fois le programme de ce matin. Mais encore un point quand même sur cette question-là. Quel effet ces affirmations-là de Hume, mettre en question la possibilité même que le soleil se lève demain, a sur les gens à qui vous parlez? Est-ce que ça peut produire une forme d'angoisse sinon, ce doute-là? Ça déstabilise. Ça déstabilise. Pourquoi ? Parce qu'on est en présence, l'habitude a tendance à fixer les choses. On croit que les choses sont stables, établies, qu'il y a des relations de nécessité. À partir du moment où on dit qu'il n'y a plus de nécessité, mais que c'est fondé sur une habitude qui, malgré la répétition, reste provisoire et pourrait se révéler, pourrait changer, ça a un côté déstabilisant. Après, le but de Hume n'est pas de déstabiliser, mon but aussi à moi quand je fais appel à Hume n'est pas de déstabiliser, mais plutôt de prendre conscience que ce qu'on croit être un savoir est en fait fondé sur une habitude et plutôt une croyance. Et donc pouvoir envisager avec plus de plasticité notre rapport à nos savoirs. Parce que ça, c'est assez effrayant de se dire que ce qu'on tient pour le savoir ne relève en fait que de la croyance. C'est effrayant dans un premier temps. Maintenant, les croyances ont très bien fonctionné jusqu'ici et les personnes ont fonctionné avec des opinions, des croyances et ça les empêche pas de vivre. Donc le Hume s'en remet d'une certaine façon aussi au sens commun, à la vie commune. Il voit que ça fonctionne, donc il n'est pas pris d'une angoisse pas possible. Il y a un moment dans son traité qui laisse entendre qu'on arrive à une situation très angoissante, mais aussitôt il dit on peut avoir un doute sur notre doute et donc s'en remettre à la vie commune. Et ça fonctionne aussi. Il faut avoir pour Hume une certaine modestie quant à notre savoir. Maintenant, ça ne nous conduit pas à une angoisse insurmontable parce que justement cette modestie a toujours fonctionné et donc Hume s'en remet à ce qui est d'une certaine façon efficace. Alors on va reprendre l'exemple de la boule de billard parce qu'à la suite du texte, David Hume explique en quoi cet exemple-là lui est utile, à la suite de ce que vous avez dit et surtout utile pour opérer des distinctions conceptuelles qui sont décisives à ce stade-là de la discussion pour pouvoir avancer plus loin. Il est évident que les deux billes se sont touchées avant que le mouvement ne soit communiqué et qu'il n'y a pas eu d'intervalle entre le choc et le mouvement. La contiguïté dans le temps et le lieu constitue par conséquent une circonstance requise pour qu'une cause quelconque opère. Il est tout aussi évident que le mouvement qui fut cause est antérieur au mouvement qui en fut l'effet. La priorité dans le temps est donc une autre circonstance requise pour toute cause. Mais ce n'est pas tout. Si nous renouvelons l'essai avec d'autres billes du même genre, dans une situation semblable, nous trouverons toujours que l'impulsion de l'une produit en l'autre du mouvement. Il y a donc ici une troisième circonstance, à savoir celle d'une conjonction constante entre la cause et l'effet. Tout objet semblable à la cause produit toujours quelque objet semblable à l'effet. Sous quelque aspect et de quelque manière que j'examine cette question, je ne puis rien y découvrir de plus. Alors pour tenter de comprendre Hume, il faut le lire quasiment mot à mot, Guillaume le Jeune, parce que chaque mot a son importance. Par exemple, celui de circonstance revient dans quasiment chaque texte de Hume. Qu'est-ce que c'est la circonstance pour Hume et pourquoi est-ce si important? Donc la circonstance, ça fait référence évidemment à la situation empirique donc qu'on éprouve. Il faut savoir que sur Hume, tout se base d'abord sur une impression qui est un sentiment, un ressentir, le fait d'éprouver quelque chose et pas sur des idées qui seraient seulement théoriques. Donc on part vraiment de l'expérience, de la situation dans laquelle on est dans l'expérience et de ce qu'on éprouve étant dans l'expérience. Et donc la circonstance, par ailleurs, s'oppose d'une certaine façon à la nécessité. Ce qui est circonstancié, circonstanciel, est aussi d'une certaine façon contingent et donc n'a pas une nécessité absolue. Et chez Hume, on n'a jamais une nécessité absolue parce que si on avait une nécessité absolue, on se déconnecterait de l'expérience. Au contraire, on part de l'expérience, donc on part des circonstances de l'expérience et à partir de là, en observant comment fonctionne l'expérience et comment a fonctionné l'expérience aussi par le passé, on peut sortir du présent même de l'expérience, mais le savoir n'aura sens et ne pourra produire une croyance que s'il sera relié à l'impression sensible que l'on a dans une expérience présente et circonstanciée. Oui, mais justement, l'insistance sur les circonstances de l'expérience des boules de billard, par exemple, ne permet pas de penser que ce qui arrive, à savoir que lorsqu'on lance une boule de billard, elle entrechoque la suivante, va se reproduire nécessairement la fois d'après. Est-ce que ça dépend des circonstances? Mais justement, pour ne pas en rester aux circonstances, Hume va revisiter la causalité. Il va revisiter la causalité à partir des lois d'association d'idées qui avaient déjà cours dans l'empirisme avant lui. Mais Hume est intéressant parce que lui essaie vraiment de les formuler sous forme de trois lois assez précises, qui est la ressemblance, la contiguïté dans le temps ou l'espace, et la causalité même, qui, elle, est la répétition d'une succession, donc il y a la contiguïté qui est là, de phénomènes, Et la répétition se base sur l'idée de similitude. Pour qu'il y ait répétition, il faut que les phénomènes qui se succèdent soient considérés comme similaires. Et donc la causalité, d'une certaine façon, synthétise la loi de ressemblance et de contiguïté qui font qu'on peut ne pas en rester à l'impression que l'on a, mais lier une impression qui, par le passé, a été liée à l'impression que l'on a, à l'idée que l'on a actuellement. Mais vous parlez de loi, si on suit Hume, on ne peut pas croire en l'idée même. Enfin, croire, c'est justement mais investir l'idée de loi d'une forme de légitimité. Si je ne peux juger que de ce que je vois, si je ne peux affirmer de vérité que dans le cas de circonstances précises, alors l'idée même de loi s'effondre, parce que la loi est indépendante de l'expérience que je suis en train de faire. Donc ces lois, en un sens bien particulier, hein, en un sens humien, on pourrait dire, c'est la régularité en fait. C'est la régularité qui fonde la règle chez Hume et qui fonde la loi. C'est pas une loi absolue, transcendante, a priori ou tout ce qu'on veut. C'est plutôt a posteriori, après avoir observé certaines répétitions donc qui font intervenir une certaine similarité, une certaine succession dans l'espace, après avoir vu certains phénomènes qui se succédaient se répéter plusieurs fois, et bien de là on peut tirer une loi fondée sur la régularité. C'est une loi qui est toujours provisoire et probable, donc qui n'est pas absolue, mais qui peut en tout cas nous guider dans l'action et nous guider dans nos raisonnements. Et c'est en ça qu'elle est une loi, parce qu'elle va réguler notre action et nos raisonnements, mais pas parce qu'elle est absolue. C'est ça, mais il faut bien comprendre pourquoi l'idée de causalité est déterminante pour Hume, parce que c'est autour de cette idée-là que s'articule notre savoir, la conception que l'on a de notre savoir, de l'acquisition de nos connaissances. Si l'on remet en question le lien qui unit la cause à son effet, ce qu'on appelle la causalité, alors c'est toute la valeur que nous accordons à ce que nous savons qui risque de s'effondrer. Si plus rien n'est nécessaire, si plus rien n'est absolu, si plus rien n'est vrai de toute éternité, alors il n'y a quoi? Que du relatif? D'une certaine façon. Du subjectivisme? Oui. Ouais, d'une certaine façon, tout s'effondre, mais tout est, je dirais, plutôt transfiguré. Donc tout s'effondre sous un aspect, mais repris sous un autre aspect. Donc si on en reste au registre purement cognitif, représentationnel, en effet, tout s'effondre. Hume aboutit au scepticisme, et voilà, on n'a aucun savoir assuré. Maintenant, sa reformulation du principe de causalité fait que la causalité n'est pas absolue, mais fait que la causalité est quand même quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et donc, il va reformuler les choses dans les termes d'une dynamique, et donc dans les termes d'une physique, on pourrait dire même. Il y a une certaine force qui est liée à certaines idées, du fait que ces idées se sont répétées par le passé, ont été prises dans une répétition coutumière, et du coup cette force fait que la causalité, même si elle n'est, dans le registre représentationnel, elle n'a rien d'absolu, dans le registre pratique, elle aboutit à la croyance, et fait qu'on peut s'appuyer dessus pour nos actions. Ça veut dire que les idées n'ont pas toutes la même nature, n'ont pas toutes le même poids, la même force, disiez-vous? Les idées ont la même nature. Elles sont toutes fondées sur une impression sensible, donc le fait de partir de l'expérience, mais n'ont pas toutes la même force. On peut distinguer des degrés de force dans les idées. Ce qui va conférer une force aux idées, c'est l'habitude. Et donc le fait d'avoir, par exemple, vu un phénomène succéder à un autre phénomène de façon répétée et sans aucune exception, va faire que l'on va avoir tendance à considérer que si on a le premier élément de la succession phénoménale, le second va suivre. Par exemple, je sais que je suis habitué à ce que, je sais pas, quand je touche une flamme, à me brûler. Et donc l'idée même, enfin la causalité entre le fait de toucher la flamme et me brûler est tellement forte que cette idée va avoir plus d'importance ou plus de poids qu'une autre idée, c'est ça? C'est ça, on va accorder dans ce cas-là une existence à la relation entre la flamme et la brûlure, alors que dans le cas d'une fiction, on peut très bien concevoir une chimère, on peut se la représenter au niveau des idées, il n'y a aucun problème, mais on ne va pas conférer une existence à la chimère parce qu'il manque cet assentiment dans l'expérience. Pour qu'on confère une existence à quelque chose, il faut qu'il y ait un lien avec une expérience passée, avec une impression sensible. Alors Hume distingue deux types de contiguïté entre les choses, enfin deux types de relations, disons, les relations d'idées et leur relation entre les choses de fait. Écoutez le texte, laissons-lui la parole, un extrait de l'enquête sur l'entendement humain, lu par Vincent Schmitt, et vous verrez, c'est à l'occasion de cette distinction qu'il soulève lui-même l'exemple et qu'il pose la question de savoir si nous sommes sûrs que le soleil se lèvera demain. Tous les objets sur lesquels s'exerce la raison humaine ou qui sollicitent nos recherches se répartissent naturellement en deux genres. Les relations d'idées et les choses de fait. Au premier genre appartiennent les propositions de la géométrie, de l'algèbre et de l'arithmétique, et en un mot, toutes les affirmations qui sont intuitivement ou démonstrativement certaines. On peut découvrir les propositions de ce genre par la simple activité de la pensée et sans tenir compte de ce qui peut exister dans l'univers. N'y eût-il jamais eu dans la nature de cercle ou de triangle, les propositions démontrées par Euclide n'en garderaient pas moins pour toujours leur certitude. Les choses de fait, qui constituent la seconde classe d'objets sur lesquels s'exerce la raison humaine, ne donnent point lieu au même genre de certitude. Et quelque évidente que soit pour nous leur vérité, cette évidence n'est pas de même nature que la précédente. Le contraire d'une chose de fait ne laisse point d'être possible, puisqu'il ne peut impliquer contradiction et qu'il est conçu par l'esprit avec la même facilité et la même distinction que s'il était aussi conforme qu'il put à la réalité. Une proposition comme celle-ci, « Le soleil ne se lèvera pas demain », n'est pas moins intelligible et n'implique pas davantage contradiction que cette autre affirmation, « Il se lèvera ». C'est en vain que nous tenterions d'en démontrer la fausseté. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Guillaume Lejeune, faut-il prendre Hume au sérieux lorsqu'il pose la question de savoir si le soleil se lève, ça se lèvera demain? Est-ce qu'il pense sérieusement qu'il y a une possibilité que le soleil ne se lève pas? C'est une question qu'il pose... Non pas pour qu'on y réponde directement oui ou non il va se lever, mais c'est une question qui est une introduction à une réflexion. C'est une question de philosophe. Voilà, c'est une question de philosophe. Je pense qu'il était convaincu que le soleil se lève demain. Sinon, mais convaincu, ça ne veut pas dire qu'il le savait de toute nécessité. Voilà. Et quelle est la différence entre une croyance et un savoir vraiment établi? Alors pour Hume, c'est une manière de concevoir l'objet. Donc la croyance n'apporte pas quelque chose de nouveau au point de vue des idées, mais par contre, ça apporte quelque chose au niveau de la pratique, parce que ça va donner plus de force à l'idée, et ça va faire que l'idée va pouvoir être à la fois fixée comme quelque chose d'établi, donc quelque chose sur lequel on n'a plus spécialement besoin de revenir, et comme quelque chose qui va pouvoir servir de base à une pratique, à un comportement. Mais vous parlez de croyance, le terme ne figure pas dans ce texte. Vous avez déjà grillé une étape. Ne figure pas dans le texte, en effet, mais vous me posez la question, tiens, est-ce que c'est quel type est-ce de question? Et voilà, ouais. Donc je pense que c'est une question pour introduire l'idée de croyance. Maintenant, pour en revenir au texte, donc il y a la différence entre les relations philosophiques et les relations de fait. Donc les relations d'idées et les choses de fait. C'est ça. Et alors, dans les relations d'idées, en gros, ce qui fait le moteur des relations d'idées, c'est la comparaison. On va comparer, donc c'est un acte qui présuppose déjà une séparation des idées. Mais tout ça ne peut venir que dans un deuxième temps, puisque c'est un philosophe empiriste. Donc dans un premier temps, on est quand même dans les relations de fait. On a des impressions sensibles, et à partir des impressions sensibles, on va dériver des idées. Alors, dans un premier temps, ces idées vont s'associer de façon machinale, et c'est là les relations de fait qui vont être associées avec les mécanismes d'association d'idées dont j'ai déjà parlé. Puis, une fois que les idées sont individuées, eh bien, des relations de... Je ne sais plus ce que vous parliez, le théorème de Pythagore, la géométrie, voilà, vont pouvoir être établies entre ces idées. Mais la base reste quand même toujours les impressions sensibles. Mais avec cet exemple du soleil qui se lèvera ou pas le lendemain, ce que nous montre Hume, c'est que le fait d'affirmer que le soleil ne se lèvera pas demain n'est pas en soi contradictoire. C'est-à-dire qu'il n'y a, peu importe de savoir si c'est vrai ou pas, on ne peut pas prouver d'ailleurs que ce soit vrai. on peut imaginer à partir de ce que l'on sait qu'il en sera ainsi demain, mais finalement personne ne connaît l'avenir et le passé ne permet pas de prédire l'avenir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que de dire que le soleil ne se lèvera pas demain n'est pas faux dans la mesure où c'est pas contradictoire. Ça, c'est ce que disait déjà Aristote avec son idée des futurs contingents dans son traité de l'interprétation. Donc il y a de ça, on peut aussi voir des anticipations de choses comme Popper, avec l'idée de falsification possible. Donc tout savoir empirique est un savoir falsifiable, parce qu'il n'y a aucune nécessité, il n'y a pas de connexion nécessaire. C'est toujours un savoir qui est fondé sur une croyance et donc sur une certaine habitude d'observation et qui peut toujours être mis en cause. C'est quelque chose d'évident pour Hume et c'est lié au fait que c'est vraiment un philosophe qui essaie de faire un empirisme radical, pourrait-on dire. Si je dis le soleil se lèvera demain, ce qui m'est donné, c'est seulement les 1000 fois où j'ai vu que le soleil se levait. Mais je dis plus dans la proposition vraie, le soleil se lèvera demain. J'affirme qu'il se lèvera demain et par définition, demain c'est ce dont je n'ai pas l'expérience, c'est ce qui n'est pas encore donné. Et Hume ne met jamais en question le droit que j'ai de formuler un tel jugement, le soleil se lèvera demain. Il demande simplement sur quel principe se fonde un tel jugement, une fois dit que le principe d'un jugement concernant toujours, nécessaire ou demain, ne peut pas venir du donné, puisqu'au contraire, il est condition de toute affirmation portant sur le donné. Ce que Deleuze, jeune, en 1956, affirme dans cet archive, Guillaume le Jeune, ce qu'il affirme, ce qu'il nous permet de comprendre, c'est le sens de l'exemple utilisé par David Hume. En réalité, ce qui intéresse Hume en citant l'exemple du soleil qui se lèvera ou non demain, c'est la possibilité d'interroger les modalités de notre connaissance. Comment est-ce que l'esprit peut appréhender cette réalité soi-disant future et comment cette appréhension, cette imagination du futur nous renseigne sur les principes qui structurent en fait notre entendement, c'est ça ? Vous parliez d'Aristote aussi tout à l'heure. Aristote dit dans la rhétorique que le souvent se rapproche du toujours. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'habitude chez Hume. Quand on a souvent observé quelque chose, on a tendance à généraliser, à penser que ça va toujours se passer. Et donc la croyance qui pourtant est toujours circonstanciée, à la fois dans le présent de l'expérience et dans la mémoire que l'on a des choses qui se sont passées, répétées dans le passé, va pouvoir sortir de la circonscription de l'expérience immédiate pour empiéter sur le futur. Donc la croyance va pouvoir permettre de faire des prévisions qui sont jamais que probables, qui n'ont pas une nécessité en soi, mais qui vont être suffisantes que pour nous permettre de vivre convenablement. Donc il y a vraiment, avec cette idée de croyance, la possibilité de sortir des limites de l'expérience immédiate pour vraiment à la fois se projeter dans le passé et dans le futur. Il faut bien comprendre qu'en affirmant que le soleil se lèvera demain est quelque chose, peut-être pas nécessaire, mais de probable, en réalité, pour nous, que nous ne sommes pas en train de philosopher, que nous ne sommes pas en train de faire des recherches scientifiques, ça ne change rien. C'est ça aussi qui est fascinant, c'est que pour nous c'est absolument pareil, de tenir le nécessaire pour du probable ou inversement, dans notre manière de conduire notre vie, ça ne change rien en fait. Donc oui, il n'y a pas d'effet immédiat dans la façon de conduire notre vie. Maintenant, il y a quand même au niveau plus de la philosophie, quand même toute une espèce de révolution qui se met en place. Ouais. Et je parlais tout à l'heure de la modestie. Il y a vraiment cette idée de saper un peu les prétentions philosophiques. Et du coup, en faisant ça, Hume a tendance aussi à rapprocher le philosophe qui était dans sa tour d'ivoire, qui pensait avoir un savoir en plus que les autres, de la vie commune. Et il le dit à un moment qu'il essaye aussi de rapprocher vraiment les hautes sphères de la philosophie, de la vie commune. Il essaye de faire ce pont. Et à ce niveau-là, Hume est un philosophe qui permet d'aller vers une philosophie plus populaire, où il y aura plus un accès limité au savoir à certains érudits qui auraient des connaissances que les autres n'ont pas. Au contraire, à partir du moment où les croyances en fait du philosophe ne sont pas si différentes des croyances des gens du commun, eh bien, il nous appartient à tous de pouvoir un peu nous interroger sur ces croyances qui sont en fait assez proches dans la pratique. Mais est-ce que ça veut dire que le scepticisme de Hume est en partie une posture ? exagéré pour secouer l'histoire de la philosophie et l'inviter à suivre une autre direction. On pourrait dire ça comme ça. Donc, son scepticisme, il parle d'un scepticisme modéré, à un moment pour distinguer d'un scepticisme qui serait absolu où on met tout en question. Il est modéré pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on pourrait dire une autorégulation. Il y a un doute du doute. Donc, si on doute de tout, on peut aussi douter du fait que ce doute surtout soit quelque chose qui puisse être établi avec certitude. Et il y a aussi l'évidence de l'expérience, expérience qui n'est pas seulement une expérience abstraite, mais qui est l'expérience de la vie commune, de la vie en société, qui fait que l'on en revient du doute sceptique, qui serait une déconnexion par rapport à nos conditions de vie habituelles. Et donc par rapport à ça, le scepticisme modéré de Hume, qui va de pair avec tout son mouvement de déconstruction de la prétention au savoir. Donc c'est pas, il y aurait pas un moment où Hume critique tout et puis il s'en remet à la vie commune, mais justement en critiquant un peu les prétentions au savoir, en faisant sortir de l'ordre représentationnel pour une espèce de dynamique d'accréditation, eh bien Hume propose véritablement une nouvelle posture philosophique, je pense. Et il écrit: un vrai sceptique se défiera de ses doutes philosophiques comme de sa conviction philosophique, et ni ses doutes ni sa conviction ne lui feront jamais refuser une satisfaction innocente qui s'offre à lui, où l'on entend et l'on lit le désir aussi de suivre son plaisir, sa satisfaction aussi dans l'exercice de philosopher. Et plus oui, qu'une posture, justement, que ce soit le scepticisme ou le dogmatisme. À la fois dans l'exercice de philosopher, à la fois dans la vie, encore une fois, il n'y a pas vraiment une coupure nette entre Hume philosophant et Hume vivant. Donc il faisait beaucoup de la philosophie en conversant avec des amis. À un moment, à la fin de sa vie, il parle de se consacrer à faire la cuisine et à écrire des livres de recettes, parce qu'il aimait beaucoup la bonne chair et manger avec ses amis. Et tout ça faisait, c'était tout un chez lui. Vraiment, donc profiter de la vie et philosopher en même temps. Voilà. Avant d'en venir directement à la question de l'habitude qui est centrale et va éclairer encore davantage ce que dit Hume sur cette question, je vous propose de soulever une dernière objection quant à la manière qu'a Hume peut-être de traiter ce problème du soleil, l'artifice rhétorique qu'il emploie à ce moment-là. Vous avez beaucoup parlé de croyance, on peut se demander, c'est la croyance, ce serait pas finalement l'expression d'une forme de religion? Voici un extrait d'un film qui s'appelle « Si le soleil ne revenait pas ». Vous allez entendre la dimension religieuse qu'on pourrait entendre dans cette problématique. Monsieur le curé ? Monsieur le curé ? Oui, Isabelle. On dit dans le village que le soleil est malade, qu'il va s'éteindre et qu'il ne reviendra plus. Qui t'a dit ça, Isabelle ? C'est le père Anzivoui. Il dit que c'est écrit. Il fera toujours plus nuit et toujours plus froid. Le soleil se lève et se couche à l'heure fixée par le Seigneur, mon enfant. Il faut nous conformer à sa volonté. Dieu est juste. Il n'y a pas de châtiment immérité. Tout ce qui nous arrive, tous les malheurs qui nous accablent, nous devons les considérer comme la juste punition de nos fautes. Il faut prier, mon enfant. Prie, Isabelle. Le Seigneur s'est aussi pardonné. Et oui, dans l'espace dégagé par la croyance peut se loger la superstition, la religion, autant d'attitudes qui sont à l'homme peut-être naturelles, même si le terme lui-même est contestable, en tout cas explicable, et qui pourraient faire envisager différemment l'hypothèse selon laquelle le soleil pourrait ne pas se lever le lendemain, Guillaume Lejeune. Oui, il y a beaucoup à dire, surtout sur les rapports un peu de Hume à la religion. Il était très critique par rapport aux religions positives, même si pour lui, ça reposait sur quelque chose de naturel en l'homme. L'homme a une tendance à la superstition, à l'enthousiasme, et ça pour lui, c'est en quelque sorte manipulé par les prêtres qui manipulent ces espèces de tendances dans l'homme pour faire passer leur doctrine et surtout leur pouvoir. Alors, la croyance chez Hume a parfois été tirée un peu du côté d'une croyance plus religieuse, notamment par exemple chez Jacobi en Allemagne. Pourquoi ? Parce que Jacobi se critique Kant à partir de Hume en disant que tout notre savoir repose sur un non-savoir. Ce non-savoir sera la croyance de Hume. Et par là, de façon pas toujours directe, pas indirecte, il en arrive à une espèce parfois de mysticisme. Et donc, du coup, Hume a parfois été associé à la croyance humienne, à une croyance de type religieuse. Alors, du côté de Hume, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la religion? C'est difficile à dire, parce qu'il est souvent très, très ironique, très critique quand il est question de religion. Certains l'ont poussé du côté de l'agnosticisme, d'autres de l'athéisme, d'autres du déisme. Donc les commentateurs sont assez... Et lui ne se définit pas? Je crois qu'il se définissait comme athée, non? Non, il n'utilise jamais le mot athée. Maintenant, bon, de nouveau, ça, on peut parler aussi du côté circonstancié de ses écrits. À l'époque, ce n'était pas spécialement intéressant en termes de conséquences de se définir comme étant athée. Ce qui est une jolie façon de le dire, oui. Voilà. Carrément dangereux. Tout à fait. Bon, il faut savoir que Hume aussi, sur le plan personnel, a postulé à un moment pour avoir une chaire de philosophie à Édimbourg et qu'il ne l'a pas eu à cause des lobbies religieux parce qu'il était considéré comme étant trop sulfureux. Donc, il a déjà eu suffisamment de problèmes avec les religieux que pour essayer d'en avoir plus. La croyance chez Hume, c'est vraiment une manière de concevoir les choses qui est une espèce de sentiment. Donc c'est vraiment une espèce d'impression qui s'impose à nous. Mais contrairement à ce qu'on voit par exemple dans l'extrait que vous avez passé, la croyance est donc c'est un sentiment qui est avivé par la causalité de type humien, c'est-à-dire par le fait d'avoir une répétition de choses similaires, de circonstances similaires, de phénomènes, de succession de phénomènes qui se sont répétés et qui ressemblent à ce qu'on observe maintenant, qui vont nous pousser à croire. Tandis que dans l'extrait, il y aurait un dieu qui serait la cause du fait que le soleil se lève ou ne se lève pas. Et ça, mais Hume justement déconstruit ce type de croyance. Et pour lui, c'est une illusion, c'est un effet psychologique. Donc, on pourrait mettre en parallèle chez Hume peut-être la croyance, son mécanisme de la croyance en général, d'une autre croyance, mais chez lui, ce n'est jamais qu'un effet psychologique qui serait lié à une répétition de causes similaires. Et en fait, dans l'idée de croyance, c'est celle d'imagination, non ? C'est un effet de l'esprit, oui, c'est de l'imagination qui est avivée justement par l'observation de choses qui se répètent et qui se répètent de façon similaire. Alors, venons-en à l'habitude, quand même le terme clé qui nous permet de comprendre la connexion entre ces différents aspects, qui nous permettent eux-mêmes de parler de la connexion d'ailleurs. Hume définit l'habitude comme étant le guide de la vie. Seule celle-ci, dit-il, détermine l'esprit en toutes circonstances, à supposer que le futur sera conforme au passé, etc. Voici un texte où il la définit précisément, et ensuite un extrait qui vient illustrer la définition qu'il donne de l'habitude indispensable, notamment dans l'art et dans la philosophie, afin d'affiner insensiblement le tempérament, dit-il. L'habitude est un puissant moyen de réformer l'esprit et d'y implanter des dispositions et inclinations qui soient bonnes. L'homme qui mène une vie sobre et tempérante haïra les excès et les désordres. Celui qui se consacre aux affaires ou à l'étude regardera l'oisiveté comme une punition. Celui qui s'astreint à la bienfaisance et à la courtoisie ne tardera pas à abhorrer toutes les manifestations d'orgueil et de violence. Quand un homme est entièrement convaincu qu'une vie vertueuse est préférable à toute autre, il ne faut point désespérer de son amendement, pourvu qu'il ait assez de résolution pour se faire violence à lui-même pendant quelque temps. Le malheur est que cette conviction et cette résolution ne pourront jamais se manifester chez qui n'est pas déjà passablement vertueux. Voilà donc le triomphe majeur de l'art et de la philosophie, c'est d'affiner insensiblement le tempérament et d'indiquer les dispositions que nous devrions essayer d'acquérir par une tension constante de l'esprit et par une habitude répétée. Oui. Tu n'es pas très grande. Non. Non, je sais. Mais cela tient de famille. Maman n'est pas très grande. Toi non plus, d'ailleurs. Mais si tu veux bien, garde tes remarques pour toi. Et commence par ne pas me tutoyer. Bien. Alors, si tu veux, si vous voulez, je trouve que ça a l'air bête. C'est si inhabituel. Il faudra t'y habituer. Et à beaucoup d'autres choses. La cour d'Autriche a conservé une étiquette qui lui vient d'Espagne et qui est très stricte. C'est le cérémonial de Charles Quint qui, en toutes circonstances, décide et règle notre comportement. Nul ne peut s'y soustraire. Sa Majesté elle-même y est très attachée. Quelles langues étrangères parles-tu couramment? L'anglais et l'espagnol. C'est tout? Et le hongrois, le tchèque, le croate, tu ne les parles pas? Non, pourquoi? Il me semble que tes dents sont jaunes, c'est regrettable. Il faudra mieux les brosser. Je les brosse matin et soir, et elles sont très blanches. Tu es bien trop brusque et impertinente, il faudra corriger tes manières. Il te faudra te plier à nos règles et surtout changer complètement tes façons si tu prétends devenir impératrice. Quand l'impératrice ici rencontre David Hume, vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie. David Hume qui affirme que l'habitude est un puissant moyen de réformer l'esprit et qu'ainsi on peut affiner insensiblement le tempérament et indiquer les dispositions que nous devrions essayer d'acquérir. Dit-il autre chose que l'exercice que nous déployons afin que celui-ci devienne comme une seconde nature, comme une habitude lorsque nous essayons d'apprendre à vivre en société, d'apprendre à jouer d'un instrument de musique ou d'apprendre, comme Sissi, à devenir impératrice, Guillaume Lejeune. Enfin, dans l'extrait donc, qu'on a vu, Hume est en effet très proche d'Aristote. L'habitude, c'est ici un peu comme lexis aristotélicienne, une espèce de disposition pratique. Et en fait, comme l'habitude chez Hume, est quelque chose qui provoque de la vivacité, qui provoque une certaine force dans les idées, qui transforme les idées en quelque chose de plus vif, qui va pouvoir nous faire passer à des croyances et à des choses pratiques. Eh bien, le fait de répéter certaines actions va aviver les idées qui y sont liées. Et c'est ainsi, par exemple, il parle du rituel dans la religion, je ne sais plus où exactement, mais il en parle. Et c'est justement une façon d'aviver, de lier certaines habitudes à des idées qui, pour lui, ne vont pas de soi, parce qu'il y a des choses dans les dogmes de la religion qui ne sont pas spécialement évidentes du point de vue de l'expérience. Et en les liant à certains rituels pratiques, eh bien, ça va les rendre plus fortes, plus vives, et du coup ça va provoquer un certain mécanisme d'accréditation avec ces idées. Donc il y a un rôle dans l'habitude, un rôle au point de vue éducatif qui est assez important, mais qui fonctionne pour les habitudes actives, parce qu'il distingue aussi habitudes passives et habitudes actives. Ça, c'est une distinction en fait qui prend de l'évêque Butler. Et en fait, les habitudes actives... Donc... Joseph Butler, c'est ça, et pas Judith Butler. Oui, non, pas... Je voudrais voir s'il y a un lien, d'ailleurs. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait un lien, mais on peut vérifier. Hein. En fait, les habitudes passives, on les fait inverse. Quand on a tendance à voir quelque chose, peut-être qui nous semble beau, et qu'on le voit tout le temps... Ça va se déforcer, on va un peu s'endormir, on va un peu voir toujours la même chose. Et ça va déforcer l'effet que produit peut-être cette chose. Tandis que s'il y a quelque chose d'actif, si quand on, par exemple, comme dans un rituel où on est attentif, on est présent, eh bien, ça va renforcer le mécanisme de l'habitude. Donc il y a... L'habitude a un rôle éducatif, peut faire qu'on va être d'une certaine façon se fixer dans une certaine ligne de conduite vertueuse ou pas, à partir du moment où c'est une habitude active. Si c'est une habitude passive et qu'on nous répète toujours la même chose, mais qu'on ne participe pas, ça va au contraire s'essouffler. Comme par exemple un éducateur qui nous dit toujours la même chose, mais si on l'écoute d'une oreille et que ça ressort de l'autre... Ça n'a aucun effet et ça en aura de moins en moins. Bah, Hume va même encore plus loin dans le texte qu'on a entendu. Il semble laisser entendre que nous avons une alors plus qu'une disposition, il y a quelque chose en nous. Si nous ne possédons pas déjà la vertu même en puissance, alors l'habitude n'y changera rien. Hein. Il dit le malheur et que cette conviction, cette résolution ne pourront jamais se manifester chez qui n'est pas déjà passablement vertueux. Si Sissi n'avait même pas la graine d'impératrice en elle, elle ne deviendrait jamais impératrice. Oui, donc ça c'est le principe de l'expérience. si quelque chose vient complètement de l'extérieur, ça ne va pas percoler et il ne va pas y avoir de suite. Il faut toujours qu'une chose, pour qu'elle acquiert de la force, soit reliée d'une façon ou d'une autre à des impressions sensibles que l'on a et à des principes de la nature humaine qui seraient dans chaque individu. Et par rapport à ça, Hume pense que, d'une façon générale, les individus ont plus ou moins les mêmes, fonctionnent de plus ou moins de la même façon. Ah oui, nous sommes à peu près égaux. Plus ou moins, oui. Y compris en ce qui concerne le domaine de la vertu. D'ailleurs, que signifie vertu pour lui? Parce que dans tout ce que vous venez de dire, on voit bien qu'il n'y a pas de chose en elle-même, de substance. Donc la vertu, qu'est-ce que c'est? Il faut alors introduire l'idée de passion. La vertu a chose liée aux passions, mais de nouveau, là, il n'y a pas un bien, un mal a priori déterminé, nécessaire, comme dans le domaine cognitif. Et c'est plutôt une espèce de juste milieu. On a différentes passions qui sont là. Il faut essayer de les équilibrer. Et le bien, d'une certaine façon, pour dire dans les grandes lignes, ce serait une certaine modération, une certaine discipline aussi, après, dans cette modération. Mais pourquoi insiste-t-il autant sur cette question de l'habitude? Parce qu'on a entendu un texte, il y a beaucoup d'autres textes où il parle de l'habitude ou de l'accoutumance. Selon les traductions, j'imagine, c'est le même terme ou pas, habitude ou accoutumance? Il utilise deux termes, custom et habit. Pourquoi est-ce si important pour lui? Pour lui, c'est l'habitude qui va être le vecteur de force. C'est l'habitude qui va introduire une force au sein des idées. Et c'est grâce à cette force que les idées ne vont pas être platement des idées mortes, mais vont être quelque chose de vif qui va nous porter à nous faire les porteurs de ces idées, à agir de certaines façons, à nous conformer aux choses de la vie ou pas. Et voilà. Donc l'habitude est vraiment ce qui apporte dans le psychisme ce dont l'effet est de se transformer en force. Mais est-ce qu'il y a pour Hume des mauvaises habitudes? Comme on parle de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Oui, bien sûr. Donc il y a des habitudes qui pourraient être mauvaises par rapport, par exemple, au niveau de l'utilité. Il parle à un certain moment que dans les pays chauds, eh bien, la chaleur pourrait conduire les gens à prendre des mauvaises habitudes, par exemple à être moins laborieux. Donc il n'y a pas un déterminisme au sens où, tiens, il y a telle condition météorologique, etc., et qui vont directement provoquer tel comportement dans l'individu. Il y a plutôt un terreau qui est là, et à partir de ce terreau, peut se développer différentes habitudes. Et il y a des habitudes mauvaises qui peuvent se développer, et c'est pourquoi Hume est très attentif, au niveau, par exemple, de l'économie, à ce que les règles économiques que l'on met en place, comme par exemple la taxation, ne provoquent pas des mauvaises habitudes. Par exemple, imaginons qu'on taxe de façon énorme les indépendants, eh bien ça va faire qu'il y aura plus personne qui voudra faire des entreprises, etc. Et donc ça aura un effet néfaste. Donc il faut à ce niveau-là des pratiques modérées pour justement provoquer de bonnes habitudes. C'est ça, parce qu'on entend à la fin du texte qu'on a entendu sur l'habitude comme un souhait d'améliorer, de corriger, de réformer l'esprit. Hein. Il dit bien, le triomphe majeur de l'art et de la philosophie, c'est donc d'affiner insensiblement le tempérament, d'indiquer les dispositions que nous devrions essayer d'acquérir par une tension constante de l'esprit et une habitude répétée. Est-ce que cette notion de réforme de l'entendement est quelque chose de, c'est quoi? C'est une dimension morale? C'est une dimension politique? C'est quand même très fort. C'est pas juste descriptif comme on pourrait le croire. Non, mais justement, comme on est dans une dynamique de force, on parlait tout à l'heure qu'on pourrait très bien aussi imaginer que le soleil ne se lève pas. Donc tout est falsifiable, tout est révocable. Et justement, à partir du moment où on prend le parti pris qu'on n'est plus dans un domaine de la représentation, il y aurait un vrai déjà établi, qu'il faudrait atteindre une adéquation entre nos perceptions et un vrai établi. Eh bien, une fois qu'on n'est plus dans cette perspective, il y a une perspective corrigibiliste, comme ça qu'on dit. En tout cas, je vous comprends. Enfin voilà, qui est possible et qui fait que on peut en effet réformer les habitudes, avec notamment cette idée que ce qui est important dans une dynamique de force, ce sont les effets, Et donc, essayer de voir, tiens, quel comportement, qu'est-ce que ça provoque. Non pas si le comportement est en adéquation avec une certaine vérité absolue, mais voir plutôt les effets d'un comportement et à partir des effets, éventuellement réformer ce comportement. Et la notion d'utilité est alors aussi très importante chez Hume à ce niveau-là. Ce serait dans une morale qu'on pourrait appeler de conséquentialiste. Donc c'est les effets provoqués par les gestes que l'on juge et pas l'intention, quoi. Il y aurait en effet un côté plutôt conséquentialiste qu'un intention. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut transférer sa réflexion sur l'habitude dans le domaine politique? Est-ce qu'on peut fonder une politique sur l'habitude? Alors, pour ce qui est des réflexions politiques de Hume en lien avec l'habitude, il y a d'une part ce côté démystificateur qu'il avait déjà dans le traité sur l'entendement et l'enquête sur l'entendement humain, à savoir que ce qui fait qu'un gouvernement est considéré comme légitime pour les personnes qui en font partie, ce n'est pas parce qu'il aurait été fait sur une base tout à fait juste, par exemple un contrat social où tout le monde aurait pris part et donc ce serait démocratique, etc. Ce n'est pas parce que le monarque serait un monarque de trois divins, qu'il aurait été élu par Dieu ou que sais-je. C'est l'habitude. Si ça fait des générations et des générations qu'on a un roi en France, on va considérer que le roi est légitime et que c'est normal. C'est ce que dit Pascal en France, avant Hume. Mais Hume a écrit son traité de l'entendement humain en France. Donc il a resté, je pense, pendant un an ou deux en France, puis après il a eu encore d'autres séjours en France, et il est parfois assez proche des penseurs français, notamment Pascal. Je pense qu'il a lu assez attentivement Pascal, et il y a plusieurs points sur lesquels ils sont assez proches tous les deux. Et donc il y a ce côté des mystificateurs, donc ce qu'on légitime dans la politique n'est pas nécessairement ce qu'on croit. Au contraire, c'est parce qu'il y a l'habitude qui agit inconsciemment qu'on va considérer comme juste certaines choses qui ne sont pas justes. Lui, il pense que la plupart des gouvernements sont mis en place plus ou moins par la violence et de façon pas légitime. Après, au niveau plus économique, cette fois-là, il y a l'idée vraiment de cultiver un terreau favorable à de bonnes habitudes et éviter d'en prendre des mauvaises. Mais fonder la politique sur l'habitude, c'est entreprendre, enfin, ou avoir une conception de la politique qui est pas celle du changement, justement, qui est plus du côté de la conservation, mais de ce qui est. Oui, mais non, mais le but de Hume, là, n'est pas de dire ce que doit être la politique, mais plutôt d'observer, tiens, comment ça fonctionne. Ouais. Et en éclairant la façon dont l'humain fonctionne, en observant ça, il ouvre la possibilité d'une correction et d'une réforme. Parce que c'est en comprenant comment l'homme fonctionne, ce qui est légitime pour lui, ce qui provoque la légitimation, qu'on pourra changer les choses. Donc c'est pas une description hors du temps de ce que serait un bon gouvernement, c'est plutôt une observation, tiens, comment ça fonctionne, quelles sont les forces en jeu, et en mettant en évidence la façon dont les forces se mettent en jeu, et le côté de nouveau circonstancié de ses forces, eh bien, ça ouvre la voie à une réforme possible. Oui, parce que c'est pas que descriptif, hein. Il écrit « Les souverains doivent prendre les hommes tels qu'ils les trouvent et ne peuvent prétendre introduire un changement violent dans leurs principes et leurs façons de penser. C'est la meilleure politique à faire avec la complexion commune de l'habitude. » C'est presque un conseil, là, au gouvernant. C'est presque du Machiavel après l'heure. Donc, à côté de son œuvre philosophique, il a écrit une histoire de la Grande-Bretagne en 6 volumes, quelque chose comme ça. Donc, c'est le pendant vraiment un peu de son œuvre philosophique où il observe vraiment différents rois ou quoi en Angleterre. Et il observe notamment certains qui ont proposé de bonnes réformes, plutôt intéressantes d'un point de vue absolu, mais par rapport à un peuple qui n'était pas prêt ou qui tranchait trop avec les habitudes en place. Et du coup, ça n'a pas marché du tout. Donc, il y a en effet ce principe, si on veut être efficace, on est de nouveau avec cette idée d'effet, d'efficacité, non pas une adéquation à quelque chose qui devrait être, si on veut être efficace, il faut pas trop trancher avec ce qui fonctionne. Donc, ce serait plutôt un réformiste qu'un révolutionnaire. Ça, c'est sûr, dans tous les sens. Enfin, non, d'ailleurs, la révolution qu'il induit en philosophie ne se retrouve pas dans sa conception politique. C'est une révolution du point de vue. Il révolutionne aussi, je pense, le point de vue sur la science politique, et à certains points de vue, il introduit un peu ce que sera la sociologie ou des sciences comme ça. Et dans la philosophie, sa révolution est surtout une révolution du point de vue. Et après, il déconstruit la causalité, mais on peut toujours l'utiliser tout en sachant que, ok, on l'utilise plus au sens classique, mais au sens humain. Et ça fonctionne encore, voilà. Merci beaucoup Guillaume Lejeune d'être venu nous parler de Hume ce matin. Merci à vous. On peut lire votre livre Hume pas à pas aux éditions Ellipse. On se quitte comme d'habitude, c'est le titre de la chanson, mais c'est pas celle que vous connaissez en rond avec les d'habitude ce matin, c'est Comme d'habitude par Le Beau Catcheur. Je me lève et je te bouscule. Enfin non, je me lève pas tout de suite, j'ai toujours un peu de mal à me lever. Ça y est, je me lève et je te bouscule. Je vais à la salle de bain pour faire un peu de toilette. Ça y est, je suis à la salle de bain, je me passe le gant de toilette comme d'habitude. Et toi, ça y est, t'es levé comme d'habitude. Alors tu frappes et tu me demandes est-ce que je peux rentrer. Je te dis, tu déconnes ou quoi? T'as l'habitude. Moi, j'ai fini ma toilette, alors je vais faire un café comme d'habitude. Ça y est, t'as fini ta toilette, alors tu viens aussi prendre un café avec moi. Et là, on a fini notre petit déjeuner comme d'habitude. Comme d'habitude, toi tu vas travailler et moi je vais rester là en faisant semblant de pas t'attendre toute la journée. Comme d'habitude, t'as oublié ton portable, alors je te le donne comme d'habitude. Tu me dis ciao, passe une bonne journée, moi je te dis ok, comme d'habitude. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vous voulez revenir sur l'appel de Macron à bâtir une société de vigilance, mais comme je vous écoute avec beaucoup d'attention Géraldine, je sais que vous en avez déjà parlé lundi dernier. Oui, mais j'aimerais en reparler car cette question a continué à me trotter dans la tête et que depuis lundi, le sujet est loin d'être clos. Le voile reste en top des sujets débattus. Le Monde a publié un article sur la tentation grandissante pour la vidéosurveillance et l'université de Cergy a fait circuler une fiche, désormais retirée, de détection de radicalisation. Autant d'éléments qui concourent à instaurer une vigilance déjà intériorisée par la plupart, désormais officialisée par certaines institutions et dispositifs sécuritaires, et qu'il s'agit d'interroger, mais aussi de critiquer et pourquoi pas de refuser. Pourquoi faut-il être vigilant avec la vigilance? Voici trois arguments. Ces signes sont d'autant plus évidents qu'ils sont liés à un changement de comportement constaté dans l'entourage ou dans l'individu lui-même, le port de la barbe, le fait qu'il fasse la bise ou qu'il ne la fasse plus. De la même façon, est-ce que l'individu accepte de faire équipe avec une femme ou pas? Est-ce qu'il a une pratique régulière et ostentatoire de la prière rituelle? Ou le port du voile intégral pour un fonctionnaire féminin? Ce sont des indices qui doivent effectivement permettre de déclencher une enquête approfondie pour avancer sur ces sujets. Tout comme Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a appelé à repérer ce qui ressemble à un signe de relâchement avec la République. Mais comme je l'ai dit lundi, cet appel à la société de vigilance, vu comme une solution, me semble un peu paradoxal. Définie comme une attention soutenue, la vigilance en est pourtant le contraire. Loin d'être en effet une curiosité ou un souci porté à autrui, elle conduit surtout à transformer certains individus en danger, à les cibler et à nous mettre dans un état permanent d'alerte. Dit autrement, et c'est le premier argument, elle nous pousse à céder une part de notre liberté au nom de la sécurité. Prévenir, protéger, prémunir serait la solution contre la liberté qu'a chacun de croire, de se vêtir ou de parler à qui il veut. Mais contre la liberté aussi qu'a chacun de ne pas vouloir prêter attention à ce que l'autre fait. Je ne veux pas être le policier de mon voisin, ni qu'il ne soit le mien. C'est une chose peu dite, mais comment faire comprendre que la vigilance met en danger la liberté de certains, mais aussi de tous et de chacun d'entre nous au nom de la sécurité ? On préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, mais après, elle en a le droit. Et pourquoi vous préférez qu'elle ne le mette pas ? Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. Après, ça veut pas dire que c'est interdit. Heureusement, on a une société de liberté où on peut aussi se vêtir comme on le veut, etc. Encore heureux sommes-nous libres de nous vêtir comme bon nous semble, mais est-ce si sûr selon les propos de Jean-Michel Blanquer ? Depuis que je suis en âge de suivre les informations, pas une séquence politique sans que j'aie entendu parler du port du voile et toujours pour osciller entre la défense d'un espace public neutre, c'est-à-dire libéré de tout signe religieux, et celle d'une liberté individuelle à même de croire et de l'afficher sans pour autant agresser autrui. Et on en est encore là. On en est encore là à toujours stigmatiser les mêmes, à savoir des femmes voilées et plus largement les musulmans. Et on va même plus loin, on projette ce qui serait une bonne manière d'être libre, à savoir libre de tout, de toute croyance, domination ou appartenance, correspondant en tout point à cet espace politique et public neutre. Mais je me demande, et c'est mon deuxième argument, que reste-t-il encore de cette liberté individuelle et de ce qu'on en fait si elle ne peut ni s'afficher en public au nom de la laïcité, ni s'afficher désormais en privé au nom de la vigilance. On ne veut plus d'un côté un espace public et de l'autre un espace privé, on veut un tout neutre, un seul grand espace lisible, visible, transparent. Pourquoi y aurait-il cette seule bonne manière d'être libre ? Au centre de vidéosurveillance de Mandelieu dans les Alpes-Maritimes, on repère les incivilités en direct et on le fait savoir aux contrevenants. 10 caméras sont équipées de ces haut-parleurs. Alors quand on se gare sur un stationnement interdit, voilà ce que ça donne. Bonjour monsieur, la police municipale s'adresse à vous. Vous pourriez déplacer votre voiture, monsieur, vous êtes en stationnement interdit. En général, la consigne est respectée. Repérer, scruter, surveiller, autant d'actions qui découlent de la vigilance et qui tentent de tirer du paraître une manière d'être. Que dit une barbe de celui qui la porte ? Ou une voiture mal garée ? Eh bien souvent, ils ne disent rien, mais ils disent tout de ceux qui y voient justement des signes. Ils disent tout de ce qui plane dans cet air du temps vigilant. Il n'y aurait pas seulement une bonne manière d'être libre, mais une bonne manière d'être tout court. C'est au fond ce qui me choque le plus dans cette histoire de vigilance, et c'est mon troisième argument, c'est qu'on pense faire la part pourtant indiscernable pour le sujet lui-même entre ce qui tient du bon et du mal, du libre et du soumis en chacun de nous, et encore au prix de la liberté. Je finirai alors avec cette phrase de Tocqueville, c'est en jouissant d'une liberté même dangereuse que l'on apprend l'art de rendre les périls de la liberté moins grands. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier, Isis Jourda, Manon Delasselle, Géraldine Wosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Sonia Leglen à la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumadi. À la lecture des textes, Vincent Schmitt, la seule qui n'était pas là aujourd'hui, c'était ma voix. On se retrouve demain, si elle est là, pour la suite et fin de notre semaine autour de David Hume ou l'art d'être sceptique. Demain, on se demandera s'il faut préférer la destruction du monde à l'égratignure de son doigt. Et c'est Céline Bonico Donato qui viendra répondre à cette question. Ce sera l'occasion d'examiner l'importance et la force des passions dans la morale de David Hume. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram où l'équipe des Chemins de la Philosophie attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.